Yuma, chapitre 8. Elle ne douta pas un instant de l'habileté de Gabriel à mettre son projet à exécution. Les risques d'une poursuite, d'une capture ou d'une rafale survenant pendant la traversée, car on était dans la saison des ouragans, tout cela l'émut fort peu. Quel danger n'affronterait-elle pas pour Gabriel? À ses côtés, elle se sentirait partout en sécurité. Puis, lentement, l'exaltation de son esprit se calma. L'idée absolument nouvelle de se dérober à la volonté d'autrui et de conquérir par elle-même tout ce qu'elle désirait, cette idée, lorsqu'elle y réfléchit, refroidit la colère où l'avait jetée sa déception. Elle retrouva en même temps la pondération naturelle de son caractère. Alors elle eut peur. Elle eut peur de quelque chose qui grondait en elle-même et qu'elle savait être mal. Dès le premier instant, la proposition de Gabriel avait vaguement troublé sa conscience et effrayé son sens moral, avant même qu'elle eût le temps de peser les conséquences qui résulteraient pour elle de l'abandon de ses amis, de la fuite loin de son lieu de naissance, du manquement à tous ses devoirs, qui la déclasserait pour toujours et lui ferait perdre l'estime de tous ceux qui avaient confiance en elle. Mais maintenant, tandis qu'elle songeait très sérieusement, elle savait que lorsqu'elle aurait mal agi, la honte lui brûlerait le visage. Non, non, non, ce n'était pas vrai que sa vie avait été absolument malheureuse. Elle se rappelait une suite douce et brillante de jours délicieux. Et surtout les jours de son enfance avec Aimé, quand elle jouait ensemble dans la maison de Madame Perronnette, dans la grande belle cour ensoleillée, pleine de plantes bizarres aux feuilles gigantesques et de palmiers, la grande cour d'où on apercevait, dans la clarté bleue, toute la baie merveilleuse qui s'étend entre grosses roches et fonds carrés, avec ses navires allant et venant par-dessus l'horizon, ou bien se balançant paresseusement à l'ancre. La grande cour où tous les matins elle donnait à manger aux anolis, les petits lézards verts qui vivaient dans la tonnelle et qui descendaient, en un scintillement, du haut de la voûte verte de vignes grimpantes pour ramasser les miettes qu'elle leur jetait. Aimé, qui avait tout partagé avec elle, même lorsqu'elle était devenue une grande jeune fille. Aimé, dont la main de mourante avait serré la sienne avec une si affectueuse confiance, et qui avait murmuré à l'instant d'expirer « Yuma, oh Yuma, tu aimeras mon enfant. Yuma, tu ne la quitteras jamais, quoi qu'il arrive, tant qu'elle sera petite. Promets-moi cela, chère Yuma. » Et elle avait promis. Yuma revit ensuite le visage de Madame Perronnette, qui lui souriait sous ses bandeaux argentés, qui lui souriait comme lorsque Yuma sentait une fine main blanche chargée de bagues lui caresser doucement le visage, et aussi comme lorsqu'elle entendait la vieille dame lui dire « Toi aussi, enfant, tu es ma fille, ma jolie sombre filleule en Dieu. Tu dois être heureuse, je veux que tu sois heureuse. » Et elle avait vraiment essayé de la rendre heureuse. Elle avait formé beaucoup de projets, elle avait dépensé beaucoup d'argent afin que Yuma ne pût jamais envier d'autres femmes de sa classe. et Yuma songea à tous les cadeaux qu'elle avait reçus. Elle songea au confort dont elle avait joui. Elle avait toujours eu sa chambre, qui donnait sur la tonnelle ornée de vignes et de pommes de liane, où les oiseaux-mouches cramoisis et émeraudes tournoyaient, une petite chambre toute remplie du vent de la mer. On ne lui avait jamais permis de se coucher sur un simple matelas étendu à terre, comme une domestique ordinaire. Et en souvenir d'Aimée, elle n'avait pas été moins bien traitée dans la maison de Madame des Rivières et de son fils. Depuis la mort d'Aimée, Monsieur des Rivières lui témoignait la bonté d'un père. Il avait eu en elle une telle confiance qu'il ne s'était même jamais aperçu des visites de Gabriel. Que penseraient-ils tous d'elle? Envers qui avait-elle le plus de devoirs? Envers ceux qu'elle connaissait depuis toujours? Envers l'excellente femme qui l'avait élevée comme sa propre fille, après lui avoir donné son nom sur les fonts baptismaux? Ou bien envers Gabriel, qu'elle ne connaissait que depuis une saison? À jamais, même pour lui, elle ne pourrait les trahir. Le bon Dieu ne le lui pardonnerait pas. Mais Gabriel ne savait pas tout cela. S'il le savait, il ne pourrait sûrement plus lui demander de s'enfuir avec lui. Et une fois encore, le côté le plus violent de sa nature fut dompté et s'affaissa en sanglotant à sa place accoutumée. Une cruelle souffrance la tourmentait toujours. Mais ce soir-là, elle se coucha bien résolue à aller trouver Gabriel aussitôt que possible et à lui dire non. Pourtant, son courage faiblit un peu. Le lendemain matin, lorsque Gabriel se croisa avec elle, alors qu'elle conduisait Mayotte à la rivière, et lui dit rapidement à voix basse « Allez à la plage cet après-midi, à 4 heures, je vous y verrai. Le gommier part pour la Trinité avec un chargement. » Puis il passa avant qu'elle eût pu lui répondre un seul mot.